Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer. Donc tout d'abord, nous tenons à remercier les intervenants et le public de nous avoir suivis dans l'organisation de ces journées, initialement prévues, comme vous le savez, les 5 et 6 décembre 2019. Aujourd'hui et demain, nous allons donc présenter, étudier, échanger, débattre autour des méthodes utilisées et des difficultés rencontrées lorsqu'on travaille sur un mouvement social de large ampleur et toujours en cours de construction. Le calendrier est idéal pour prendre le recul nécessaire plus d'un an après le début de ce mouvement qui a beaucoup évolué depuis. Ces journées ont été co-organisées par un groupe de 12 ingénieurs d'études et de recherche, organisateurs par ailleurs du séminaire MedSem à Sciences Po et membres du réseau MATIES-HS, qui est un réseau professionnel des méthodes en sciences sociales et humaines. Le cœur de notre métier est de constituer un appui, notamment méthodologique, à la recherche. C'est dans ce sens que nous avons conçu ensemble le programme de ces journées. Un appel à communication avait été lancé en mai dernier, après l'organisation du grand débat national, et à un moment où l'on pouvait déjà lire un grand nombre d'enquêtes et d'analyses sur le mouvement des Gilets jaunes. En témoigne la trentaine de propositions que nous avons reçues et soigneusement examinées durant l'été 2019. Après un premier report début décembre, en raison, comme vous le savez, des grèves nationales sur la réforme des régimes de retraite, nous avons fait le choix de maintenir ces journées dans un contexte de mouvement social dont nombre de nos collègues ont voulu se montrer solidaires en se mettant en retrait de leurs activités scientifiques ordinaires et de leurs engagements professionnels. Nous respectons ces décisions collectives et individuelles qui nous privent malheureusement de quelques communications prometteuses. Cependant, si après discussion nous avons fait ce choix de maintenir les journées d'études, c'est à la fois qu'il nous semblait difficile de faire autrement, mais aussi important d'offrir, en ces temps agités, des espaces d'échange et de discussion sur des objets qui ne sont pas sans rapport avec l'actualité des mobilisations en cours. C'est là aussi une manière d'entendre ce que peuvent recouvrir nos missions d'appui à la recherche et notre engagement scientifique. Dans cette optique de discussion, nous avons aussi plusieurs invités à vous présenter et avec lesquels vous pourrez échanger à la fin de cette session, par exemple, et pendant les différents temps de pause. Donc Natalia Lavallée-Torres, qui est juste ici, qui est référente sociologie à la bibliothèque de Sciences Po, qui nous présente une sélection d'ouvrages juste en dessous, en lien avec le sujet. Et Brice Le Gall, qui est juste ici, photographe sociologue et auteur de Justice et Respect, le soulèvement des Gilets jaunes. Vous avez quelques exemplaires de son livre à droite. Livre qu'il a coécrit, entre autres avec Thibaut Ciseau, qui n'est pas là, il me semble, et avec Lou, j'ai oublié son nom de famille. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot ou tout à l'heure, Natalia et Brice, rapidement pour vous présenter. Tout à l'heure, ok. Un petit point logistique aussi, pour faciliter les échanges, vous avez dû voir que les membres du comité ont une petite pastille jaune sur leur badge, donc pour toute question, n'hésitez pas à nous solliciter. Les intervenants ont quant à eux une petite pastille bleue, et pour l'organisation de la pause déjeuner, pour les intervenants, elle aura lieu dans la cafétéria du sous-sol, pour le public, le déjeuner est libre. Et j'ai une dernière question avant de laisser la parole à Yannick pour la première session, est-ce que Emmanuel Didier est dans la salle ? Non, ok. Donc du coup, l'introduction est terminée et les journées sont maintenant ouvertes. Donc j'invite les différents auteurs, Matteo Giuse, Jérôme Collet et Thierry Razafindrano-Vona, j'espère que j'ai bien prononcé, à nous rejoindre. Merci à vous.